Les mains de Jeanne-Marie. Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres que l'été tanna, mains pâles comme des mains mortes. Sont-ce des mains de Rouana? Ont-elles pris les crèmes brunes sur les mares des voluptés? Ont-elles trempé dans des lunes aux étangs des sérénités? Ont-elles bu des cieux barbares, calmes, sur les genoux charmants? Ont-elles roulé des cigares ou trafiquer des diamants? Sur les pieds ardents des madones, ont-elles fané des fleurs d'or? C'est le sang noir des belladones qui dans leurs paumes éclate et dort. Mains chasseresses et des diptères dont bombinent les blouisons aurorales vers les nectaires? Mains des canteuses de poison? Oh, quel rêve les a saisies dans les pendiculations! Un rêve inouï des Asies, des Quingavars ou des Sillons?